Chapitre 3. Les ruines en général. Qu'il y en a de deux espèces. De l'examen des sites des monuments chrétiens, nous passons aux effets des ruines de ces monuments. Elles fournissent au cœur de majestueux souvenirs et aux arts des compositions touchantes. Consacrons quelques pages à cette poétique des morts. Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines. Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence. Il s'y joint en outre une idée qui console notre petitesse, en voyant que des peuples entiers, des hommes quelquefois si fameux, n'ont pu vivre cependant au-delà du peu de jours assignés à notre obscurité. Ainsi les ruines jettent une grande moralité au milieu des scènes de la nature. Quand elles sont placées dans un tableau, en vain on cherche à porter les yeux autre part. Ils reviennent toujours s'attacher sur elles. Et pourquoi les ouvrages des hommes ne passeraient-ils pas, quand le soleil qui les éclaire doit lui-même tomber de sa voûte? Celui qui le plaça dans les cieux est le seul souverain dont l'empire ne connaisse point de ruines. Il y a deux sortes de ruines, l'une ouvrage du temps, l'autre ouvrage des hommes. Les premières n'ont rien de désagréable, parce que la nature travaille auprès des ans. Font-ils des décombres? Elle y sème des fleurs. En trouve-t-il un tombeau? Elle y place le nid d'une colombe. Sans cesse occupée à reproduire, elle environne la mort des plus douces illusions de la vie. Les secondes ruines sont plutôt des dévastations que des ruines. Elles n'offrent que l'image du néant, sans une puissance réparatrice. Ouvrage du malheur, et non des années, elles ressemblent aux cheveux blancs sur la tête de la jeunesse. Les destructions des hommes sont d'ailleurs plus violentes et plus complètes que celles des âges. Les seconds minent, les premiers renversent. Quand Dieu, pour des raisons qui nous sont inconnues, veut hâter les ruines du monde, il ordonne au temps de prêter sa faux à l'homme. Et le temps nous voit avec épouvante ravager dans un clin d'œil ce qu'il eût mis des siècles à détruire. Nous nous promenions un jour derrière le palais du Luxembourg, et nous nous trouvâmes près de cette même chartreuse que M. de Fontanes a chantée. Nous vîmes une église, dont les toits étaient enfoncés, les plombs des fenêtres arrachés, et les portes fermées avec des planches mises debout. La plupart des autres bâtiments de monastères n'existaient plus. Nous nous promenâmes longtemps au milieu des pierres sépulcrales de marbre noir, semées çà et là sur la terre. Les unes étaient totalement brisées, les autres offraient encore quelques restes d'épitaphes. Nous entrâmes dans le cloître intérieur. Deux pruniers sauvages y croissaient parmi de hautes herbes et des décombres. Sur les murailles, on voyait des peintures, à demi effacées, représentant la vie de saint Bruno. Un cadran était resté sur un des pignons de l'église, et dans le sanctuaire, au lieu de cet hymne de paix qui s'élevait jadis en l'honneur des morts, on entendait crier l'instrument du manœuvre qui sciait des tombeaux. Les réflexions que nous fîmes dans ce lieu, tout le monde les peut faire. Nous en sortîmes, le cœur flétri, et nous nous enfonçâmes dans le faubourg voisin sans savoir où nous allions. La nuit approchait, comme nous passions entre deux murs dans une rue déserte, tout à coup le son d'un orgue vint frapper notre oreille, et les paroles du cantique « Laudate Dominum omnes gentes » sortirent du fond d'une église voisine. C'était alors l'octave du Saint-Sacrement. Nous ne saurions peindre l'émotion que nous causèrent ces chants religieux. Nous crûmes ouïr une voix du ciel qui disait « Chrétien sans foi, pourquoi perds-tu l'espérance ? Crois-tu donc que je change mes desseins comme les hommes ? Que j'abandonne parce que je punis ? Loin d'accuser mes décrets, imite ces serviteurs fidèles qui bénissent les coups de ma main jusque sous les débris où je les écrase. » Nous entrâmes dans l'église au moment où le prêtre donnait la bénédiction. De pauvres femmes, des vieillards, des enfants étaient prosternés. Nous nous précipitâmes sur la terre au milieu d'eux. Nos larmes coulaient. Nous dîmes, dans le secret de notre cœur, Pardonne, ô Seigneur, si nous avons murmuré en voyant la désolation de ton temple. Pardonne à notre raison ébranlée. L'homme n'est lui-même qu'un édifice tombé, qu'un débris du péché et de la mort. Son amour tiède, sa foi chancelante, sa charité bornée, ses sentiments incomplets, ses pensées insuffisantes, son cœur brisé, tout chez lui n'est que ruine. Chapitre 4. Effet pittoresque des ruines, ruines de Palmyre, d'Égypte, etc. Les ruines, considérées sous le rapport du paysage, sont plus pittoresques dans un tableau que le monument frais et entier. Dans les temples que les siècles n'ont point percés, les murs masquent une partie du site et des objets extérieurs, et empêchent qu'on ne distingue les colonnades et les cintres de l'édifice. Mais quand ces temples viennent à crouler, il ne reste que des débris isolés, entre lesquels l'œil découvre au haut et au loin les astres, les nues, les montagnes, les fleuves et les forêts. Alors, par un jeu de l'optique, l'horizon recule et les galeries suspendues en l'air se découpent sur les fonds du ciel et de la terre. Ces effets n'ont point été inconnus des anciens. Ils élevaient des cirques sans masse pleine pour laisser un libre accès aux illusions de la perspective. Les ruines ont ensuite des harmonies particulières avec leur désert, selon le style de leur architecture, les lieux où elles sont placées et les règnes de la nature au méridien qu'elles occupent. Dans les pays chauds, peu favorables aux herbes et aux mousses, elles sont privées de ces graminées qui décorent nos châteaux gothiques et nos vieilles tours. Mais aussi de plus grands végétaux se marient aux plus grandes formes de leur architecture. À Palmyre, le dattier fend les têtes d'hommes et de lions qui soutiennent les chapiteaux du temple du soleil. Le palmier remplace par sa colonne la colonne tombée, et le péché que les anciens consacraient à Harpocrate s'élève dans la demeure du silence. On y voit encore une espèce d'arbre dont le feuillage échevelé et les fruits en cristaux forment, avec les débris pendants, de beaux accords de tristesse. Quelquefois, une caravane arrêtée dans ces déserts y multiplie les effets pittoresques. Le costume oriental allie bien sa noblesse à la noblesse de ces ruines, et les chameaux semblent en accroître les dimensions lorsque, couchés entre des fragments de maçonnerie, ils ne laissent voir que leur tête fauve et leur dos bossu. Les ruines changent de caractère en Égypte. Souvent, elles offrent dans un petit espace diverses sortes d'architecture et de souvenirs. Les colonnes du vieux style égyptien s'élèvent auprès de la colonne corinthienne. Un morceau d'ordre toscan s'unit à une tour arabe. Un monument du peuple pasteur à un monument des Romains. Des sphinx, des anubis, des statues brisées, des obélisques rompus, sont roulés dans le Nil, enterrés dans le sol, cachés dans des rizières, des champs de fèves et des plaines de trèfles. Quelquefois, dans les débordements du fleuve, ces ruines ressemblent sur les eaux à une grande flotte. Quelquefois, des nuages, jetés en ondes sur les flancs des pyramides, les partagent en deux moitiés. Le chacal, monté sur un piédestal vide, allonge son museau de loup derrière le buste d'un paon à tête de bélier. La gazelle, l'autruche, l'ibis, la gerboise sautent parmi les décombres, tandis que la poule sultane se tient immobile sur quelques débris, comme un oiseau hiéroglyphique de granit et de porphyre. La vallée de Tempé, le bois de l'Olympe, les côtes de l'Attique et du Péloponnèse étalent les ruines de la Grèce. Là commencent à paraître les mousses, les plantes grimpantes, et les fleurs saxatiles. Une guirlande vagabonde de jasmin embrasse une Vénus, comme pour lui rendre sa ceinture. Une barbe de mousse blanche descend du menton d'une ébée. Le pavot croît sur les feuillets du livre de Mnémosyne, symbole de la renommée passée et de l'oubli présent de ces lieux. Les flots de Léger qui viennent expirer sous de croulants portiques, Philomèle qui se plaint, Alcyon qui gémit, Cadmus qui roule ses anneaux autour d'un autel, le cygne qui fait son nid dans le sein de quelque Léda. Mille accidents, produits comme par les grâces, enchantent ces poétiques débris. On dirait qu'un souffle divin anime encore la poussière des temples d'Apollon et des Muses. Le paysage entier, baigné par la mer, ressemble à un tableau d'appel consacré à Neptune et suspendu à ses rivages.